Depuis mes débuts, j'ai qu'un but, marquer des buts, éviter les déboires et accomplir mon devoir. J'ai fait le choix de mourir en battant. Là-haut, je sais que quelqu'un m'attend et que j'irai pas le voir en boitant. Moi, j'ai raté le coche depuis que je suis né. T'entendras sorti de la bouche de tes gosses que mon talent est inné. Élevé au martinet et puni de dîner. La gloire, je veux la butiner avant de partir mutilé. Car ici, on marche sur des œufs frais. On fait de grosses dépenses pour des œuvres et très peu pour les désœuvrés. On veut baiser la vie comme une star. Même si on sait que derrière son beau maquillage, c'est plein de stars. Les hommes d'État s'en font pas pour nous pendant que leurs filles tombent dans nos caves ou dans nos films porno. On a la rage et on veut s'en sortir. Mais à chaque démarrage, c'est une issue sans sortie. Seul Dieu peut nous juger. Seul Dieu peut nous juger. Car l'homme a trop de préjugés. Car l'homme a trop de préjugés. Car l'homme a trop de préjugés. Seul Dieu peut nous juger. Seul Dieu peut nous juger. Car l'homme a trop de préjugés. Car l'homme a trop de préjugés. Car l'homme a trop de préjugés. Car l'homme a trop de préjugés. On me dit pas net, mais je suis pas le seul sur la planète. Et quand mon son pète, tout le monde se lève comme pour Danette. Je veux bien être damné. Si on me dit que je suis le seul réunionnais à rayonner, car chez nous le talent va de la tête au talon. Et pour passer les galons, faut ce qu'il faut dans le pantalon. Faut aussi savoir nager loin de la rive. Et malgré les courants et les requins, on y arrive. Je me dois de représenter les traditions et les histoires de maisons hantées. Pour ça, je tise à ta santé. Moi, je suis proche de Dieu et je crois en sa parole. Parce que la vie est une relasse comme Carole. Mais je suis impuissant face à tout l'amour que le Seigneur nous a donné et que l'homme est face à. Et pour atteindre le sommet, on marche les uns sur les autres. Je me fais pas de soucis pour moi, je serai pas de ceux qui se vautrent. Seul Dieu peut nous juger, peut nous juger. Seul Dieu peut nous juger, peut nous juger. Car l'homme a trop de préjugés. Seul Dieu peut nous juger, seul Dieu peut nous juger. Car l'homme a trop de préjugés. Car l'homme a trop de préjugés. Car l'homme a trop de préjugés. Seul Dieu peut nous juger, seul Dieu peut nous juger. Car l'homme a trop de préjugés. Car l'homme a trop de préjugés. Trop préjugé. Trop préjugé. Trop préjugé.